À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le secrétaire international de l'Organisation de la jeunesse du Mouvement populaire de libération d'Angola et le chef du département international du Comité angolais pour l'amitié et la solidarité avec les peuples ont publié les communications pour exalter les exploits immortels du général Kim Jong-il accomplis pour la révolution coréenne et la cause d'émancipation du monde.